Exercice 7. Observation. L'être et l'apparence. Avoir l'air. Être. Il a l'air gentil, mais il n'est pas gentil. Elle a l'air gentille, mais elle n'est pas gentille. Il a l'air sportif, et il est sportif. Elle a l'air sportif, et elle est sportive. Ils ont l'air sportifs, et ils sont sportifs. Notez que l'expression « avoir l'air », qui indique une apparence, est en général suivie d'un adjectif qui est à la forme du masculin singulier. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Lorsque l'adjectif modifie « air », qui est un nom masculin singulier. Cependant, on trouve quelquefois « elle a l'air gentille », avec accord de l'adjectif et du sujet, comme dans « elle est gentille ».